tusa mandamu ranga idolescence tu bandi kolinga na tusa na lubana mike na kanisi kalina pembeni ya fleuve Congo yona lise sacré cœur na élève na tene Léon Pierre Cholet et Bal de Keter na kepo toko tangambu la mine to kabani to kutani lisusu amour et komi équation Kaboli mokili, au nom de tes convictions, selon ta foi côté molimou, côté mosuni. Lolo a mis son wans. Josa Mwanza. Na mekito bandela, tozon ki saboli ngwango. Na zifan de non recevoir, ou la mine bele mingi, juventus. Vocal pour toi, qui m'habita? Ke poto kotangambu la mine to kabani to kutani lisusu amour et komiki poko o kaboli mokili au nom de tes convictions selon ta foi kote molimu kote mosuni sam pengo me apimbo ma na mekito bandela tozon ki saboli ngwango na sui fin de non recevoir pou la mine bele mingi Serge Dondo Big Master Eba Tete Mondo Chachi Oh, filo mama ma passa Michel Kassoa, Carlos Kassoa. Nana yoto botama, bakinwa de naissance. Yona maito mesene, lisolo na lingala. Tangwa kando komise, ko parle en langue. Otindi na change komo, na koma mo Christu. Bazindi sanga ne bale, na zwa batisimo. Juventus tambe ninyamo, nana yoto bundeli. Papa Nadiego Jean-Mic Alongi, Charlie Kianza, Casino na Kasaba, Elbito Coiffure, Faustin Batika, Fondé Tostao RCK, Chamblé Yeremia. Sous-titrage Société Radio-Canada.